بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bienvenue aux chers frères. On va commencer aujourd'hui, inshallah ta'ala. On va interrompre le programme habituel qu'on avait concernant les noms et attributs. Pourquoi ? Parce qu'on a le mois de Ramadan qui arrive à grande vitesse. Et j'ai jugé qu'il était important, qu'il était peut-être mieux de se préparer correctement pour ce mois, afin de voir et ensemble, de réviser ensemble les règles de jurisprudence liées au jeûne du mois de Ramadan. Et pour cela, on va se baser sur un livre très connu, c'est le sujet qu'on verra aussi, c'est le livre sur lequel on va se baser pendant le séminaire, Inch'Allah Ta'ala, le livre « Ar-Risala » de l'imam Ibn Abi Zayd al-Kairawani rahimahullah. Et donc dans ce livre, l'auteur il aborde plusieurs sujets, la croyance et la jurisprudence islamique, dans le Madhhab Maliki, parce que c'était un savant de l'école malikite. Donc il nous cite ici dans ce livre les divers sujets qu'il aborde. Il donc nous montre aussi le madhhab de l'école malikite. Alors il nous dit rahimahullah, babun fi siyam, chapitre concernant le jeûne. Es-siyam, qu'est-ce que siyam en islam? C'est quoi le jeûne? On avait déjà vu la définition à Fort-de-France. Hein? Se retenir, s'abstenir. El-Imsek, ça c'est l'oratan. Si tu me dis juste El-Imsek, le fait de s'abstenir, c'est dans la langue arabe. As-Siyam. Nazartu lirrahmani sawman. Et donc ici, j'ai fait le vœu de. C'est pas de jeûner, mais ici c'est de m'abstenir de parler. Et donc ça c'est le sens dans la langue arabe. Et la question que j'ai posée, c'est le sens dans la législation. Le fait de s'abstenir, de manger, de boire, de faire tout ce qui pourrait rompre le jeûne, faire que la personne passe de l'étape où elle était jeûneur à l'étape non jeûneur. Tayyib, toujours incomplet. Il nous manque... Hein? La durée. Alors... Donc, on nous manque la durée, il nous manque encore un élément, le dernier. Ta'abboudan lillah, pour Allah. Aujourd'hui, une personne, elle vient te dire, je veux faire un régime. Je vais jeûner de Fajr à Maghreb. Elle a... Et en même temps, la personne, elle arrête, elle ne fait pas de péché, elle fait ci, elle fait ça, elle ne mange pas, elle ne boit pas, elle ne fait pas de péché... Elle ne fait rien qui annule le jeûne, mais sa niya, c'est pas de jeûner, sa niya, c'est de faire un régime. Ça, c'est pas un jeûne en islam. Il est impératif que tu aies l'intention. C'est pour ça que les savants te disent Etta'abboudou lillah. C'est le fait d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala par l'abstention, donc par le fait de s'abstenir, de manger, de boire. Et de faire tout ce qui pourrait annuler le jeûne. Et ce, du lever, ou du moins de l'apparition de l'aube, jusqu'au coucher du soleil. L'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Taïeb ? Et donc là, la définition du jeûne. Ensuite, on continue ce que l'auteur il nous dit. « Wa sawmu shahri ramadan faridatun yusawmu li ru'yatil hilal » Alors il nous dit, et le jeûne du mois de Ramadan est une obligation. Nous jeûnons, on jeûne par le fait de voir le croissant lunaire indiquant le début du mois, et on rompt le jeûne en voyant le croissant lunaire, donc le croissant lunaire indiquant la fin du mois de Ramadan et le début du mois d'avril. Et donc par rapport à cela, il y a plusieurs points qu'on doit voir. Premièrement, le mois de Ramadan, le jugement du mois, du jeûne de ce mois. C'est une obligation et ceci par l'unanimité des savants. L'unanimité des savants musulmans. Il n'y a pas de divergence sur ce sujet. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit « Faman shahida minkum ash-shahra falyasum » Celui d'entre vous qui assiste à ce mois alors qu'il le jeûne. Alors qu'il le jeûne. Ensuite, on a aussi dans les ahadiths, de nombreux ahadiths qui nous citent cela, même les ahadiths de Jibril et d'autres ahadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite le jeûne dans les piliers de l'islam. Et donc c'est une obligation, il est obligatoire de jeûner le mois de Ramadan. Il y a certaines personnes donc, qui sont excusées, et ça on le verra par la suite, inshallah ta'ala. Ensuite, l'auteur il nous cite un point. C'est dommage, je n'ai pas pris les notes. Très inshallah. J'avais pris des notes, mais je ne les ai pas ramenées avec moi. L'auteur il nous cite un point. Il nous dit donc, il nous est obligatoire de jeûner lorsqu'on voit El Hilal, lorsqu'on voit le croissant lunaire. Mais lorsque qui voit le croissant lunaire? Parce que ça, c'est un sujet important. Ça, c'est un sujet important. Qui voit le croissant lunaire? Parce que chaque année, en Martinique, ou du moins ici dans cette mosquée, mais aussi la mosquée de Sainte-Marie, lorsque on... Exemple, Saoudia, ils annoncent avoir vu le croissant lunaire, alors là, on jeûne. C'est vrai ou pas? Vous me dites si je me trompe, hein? C'est vrai. J'ai précisé ces deux mosquées parce qu'il y a un endroit où c'est pas pareil. C'est pas ça. Ça, barakallahu fikoum, ce sujet-là qu'on aborde, on va aborder le premier sujet. Il y a deux sujets ici. Le premier, c'est que est-ce que une vision, il y a une vision par pays, par endroit, ou alors, une vision suffit pour tous les pays. Ça, c'est un sujet très important. Une vision suffit pour tous les pays, ou est-ce qu'il est obligatoire d'avoir une vision par pays? Ça veut dire qu'on ne peut plus se baser sur la vision de Saoudia, mais qu'on doit avoir nous-mêmes notre propre vision, c'est-à-dire le fait de voir le croissant lunaire. Premier point que je veux aborder, c'est le fait de dire que, premièrement, les frères, il faut qu'on arrête, même sans aborder la divergence, sans aborder cette divergence, il faut qu'on arrête d'attendre que les gens fassent pour nous. On est toujours là à attendre que les gens fassent pour nous. Il faut qu'on attende que quelqu'un aille chercher de la viande halal, sinon on est tranquille à la maison. Et on attend, ah, il y a un groupe, ah, il y a des frères, ils sont allés se renseigner, ils ont fait, c'est bon, ils nous ont dit, viande halal, c'est tel et tel jour, l'abattage, etc. Et même quand c'est comme ça, on a déjà tout fait, on nous dit juste, tu viens tel et tel jour. Même si c'est comme ça, parfois on ne veut pas y aller. On envoie quelqu'un à notre place pour aller chercher. On veut toujours que les gens fassent le travail à notre place. Pour apprendre notre religion, c'est bon, il y a Cheikh Baki, il est là. Malich, c'est pas obligatoire d'apprendre. Cheikh Baki, il est là. Cheikh Baki, c'est bon, il a appris. Voilà, j'ai plus l'obligation d'apprendre. Qui a dit ça? Pour le croissant lunaire, comment ça se fait qu'on va pas, on ne cherche pas à voir le croissant lunaire? Comment ça se fait? Je vous pose une question. Est-ce que c'est déjà arrivé que Saoudi, ils ont annoncé qu'ils n'ont pas vu le croissant lunaire? Et donc ils n'ont pas vu le croissant lunaire, ils ont dit on commence Ramadan le lendemain. Donc ils n'ont pas commencé le jour d'après, mais ils ont commencé le lendemain. Du moins le jour, donc le surlendemain du moins. Ils ont commencé à jeûner. Ils ont jeûné. Et arrivé au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que le mois avait commencé un jour avant, mais qu'il n'avait pas vu le croissant lunaire. Est-ce que c'est déjà arrivé? Oui. C'est déjà arrivé. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces awliya, ce sont des êtres humains. Et que si Allah a décrété qu'ils ne voient pas le croissant lunaire, ils ne vont pas le voir. Même si c'est vrai qu'ils mettent beaucoup de moyens en œuvre pour donc réussir, etc., etc. Mais si Allah détermine que ce n'est pas possible de voir, ils ne vont pas le voir. Alors, on fait comment? Est-ce que c'est normal que nous, on reste là chaque année comme ça? Parfois, je suis choqué. On commence quand, Ramadan? Attends, on va voir ce qu'ils disent, se dire. Comment ça? Yanni, nous, on n'est pas des, on n'a pas la vue, on n'a pas la capacité de voir. Taïeb, on a la capacité de se renseigner, alhamdulillah, de demander à des spécialistes comment faire, etc. Ça, c'est avant d'aborder la divergence. C'est pas normal qu'on reste là à attendre. Un jour, on va demander à des gens de salade de nous, fais la salade pour moi. Allez, fais la salade à ma place. Et donc, c'est important, barakallahu fikoum, que on s'organise pour essayer de voir le croissant lunaire chaque année, inshallah ta'ala. Ça, c'est important. Ensuite, maintenant, on rentre dans la divergence. On rentre dans la divergence. Al-Imam Malik, Al-Shafi'i, Ahmed et Abu Hanifa, ils voient que à partir du moment où la lune, le croissant lunaire, a été vu dans un endroit, il est obligatoire qu'il s'applique à tous les autres endroits. À tous les autres endroits. D'accord ? Ensuite, on a le deuxième avis. Le deuxième avis qui est une narration du madhhab de Shafi'i. Une narration du madhhab de l'imam Shafi'i qui dit qu'il est permis pour chaque pays d'avoir sa vision. Pour chaque pays d'avoir sa vision. Quelle est la preuve de ce qui nous disent qu'une vision suffit pour tous les pays? Ce sont les ahadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit « Soumou li ru'yatihi » « Jeûnez lorsque vous le voyez. » Jeûnez lorsque vous le voyez. Ce n'est pas lorsque tout le monde voit le croissant lunaire. À partir du moment où le croissant, wa alaykoum salam wa barakatou, à partir du moment où le croissant lunaire a été vu, ça c'est bon, c'est obligatoire pour tout le monde. Tout le monde doit jeûner. Et les autres hadiths qui vont dans ce même sens. La preuve de l'imam al-Shafi'i, c'est le hadith de Ibn Abbas, radiallahu anhuma, dans Sahih Muslim. Dans Sahih Muslim, Kouraïb, il dit que il est donc parti au Shem pour faire quelque chose. Il est parti au Shem. Et que là-bas, ils ont commencé le mois de Ramadan, ils ont commencé vendredi. Ensuite, il est revenu à Médine, à la fin du mois. Et c'est là qu'il a rencontré Ibn Abbas, radhiyallahu anhuma. Ibn Abbas lui a demandé donc comment ça s'est passé là-bas. Et c'est là qu'il a dit qu'ils ont commencé à jeûner vendredi. Et que Muawiyah, donc il a vu donc le croissant lunaire le vendredi, et qu'il a jeûné vendredi, et que les gens, ils ont jeûné vendredi. Ibn Abbas, radhiyallahu anhu, lui a dit, nous, ici à Médine, nous avons vu le croissant lunaire samedi. On a vu le croissant lunaire samedi. Et on va continuer à jeûner comme ça, en nous basant sur la vision à partir de samedi. Alors Kouraïb qui dit à Ibn Abbas, mais n'est-ce pas que la vision de Muawiyah ne te suffit pas? La vision de Muawiyah ne t'est-elle pas suffisante? Alors là, Ibn Abbas, radhiyallahu anhu, il a répondu en disant, là, non. هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il dit non, c'est ainsi que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم nous a ordonné. Et donc, on comprend de cette parole d'Ibn Abbas que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné que si la lune elle a été vue ailleurs un jour, mais que nous on l'a vu chez nous un autre jour, on se base sur notre vision à nous. On comprend ça, on est d'accord. Et donc ça, c'est cette preuve-là qui est dans Sahih Muslim, c'est la preuve sur laquelle se base donc l'imam Ash-Shafi'i. C'est pour ça que les savants qui voient qu'on doit tous se baser sur la même vision, ils ont répliqué au hadith d'Ibn Abbas en disant que Ibn Abbas, radiallahu anhuma, lorsqu'il nous dit Hakadha amarana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit c'est ainsi que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné. Quel est le hadith? Ils disent quel ordre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a donné. Ils disent l'ordre que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a donné, c'est Soumou li ru'yatihi, jeûnez lorsque vous le voyez. Il disait donc, il est possible que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il a dit ça, et qu'ensuite Ibn Abbas radhiyallahu anhu il a compris de cela que chaque pays peut avoir sa propre vision. Mais est-ce qu'il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous cite textuellement que si un pays ils ont une vision et qu'un autre pays il a une autre vision, chaque pays se base sur sa vision, ils disent il n'y a aucun hadith qui dit ça. Aucun hadith qui dit ça. Et donc tout le débat il est là. Tout le débat il est là. Mais maintenant, est-ce qu'on va dire qu'il n'est pas permis qu'un pays se base sur sa vision? Parce que là, Ibn Abbas, lorsqu'il met cette fatwa, il n'y a aucun sahabi qui l'a contredit. Il n'y a pas de sahabi qui l'a contredit. Ce qui veut dire que c'est permis. Parce que sinon, les sahabas, ils auraient parlé. Les sahabas, ils étaient plus jaloux que nous pour la religion. Hein? Aujourd'hui, à notre époque, si une personne dit une vérité, il se peut que tout le monde le boycotte parce qu'il a dit la vérité. À l'époque, les sahabas, ils étaient jaloux pour la religion. Et donc, les sahabas, ils n'ont pas contredit. Voilà pourquoi, dans ce sujet, Wallahu a'lam, c'est une grosse divergence, l'avis le plus juste est qu'il est permis que chaque pays ait sa propre vision, mais il est mieux et préférable qu'on s'efforce de se baser sur une seule vision pour l'unité des musulmans. Pour l'unité des musulmans. Est-ce que vous avez compris? Taïeb, personne n'a noté, on verra la semaine prochaine, Inch'Allah, comment on aborde la divergence avec les différents avis, qui a dit quoi, quelle est la preuve de chacun, bi'idnillahi ta'ala. On a dit qu'il y avait deux sujets sur ce point, le début du mois. Le deuxième sujet, le mazhab de l'imam Malik. Est-ce qu'il faut qu'il y ait deux personnes qui voient le croissant lunaire ou une ou plus? Exemple. On a ici notre frère Bassem. Il a assisté au cours. Et donc, quand le début du mois de Ramadan il arrive, Bassem, il s'est renseigné, on lui a dit que si tu te mets là, il se peut que tu vois, etc. Il y va. Il voit le croissant lunaire, il contacte tout le monde. Les frères, j'ai vu, il envoie photo, il vient à la mosquée, j'ai vu le croissant lunaire. On jeûne ou pas? L'imam Abu Hanifa, il dit que si un voit la lune, normalement tous doivent voir la lune. Et donc, on n'accepte pas qu'une personne nous dise qu'elle a vu la lune si on n'a pas vu. Sauf si le ciel était couvert et qu'on a essayé, que nous on n'a pas vu, etc. Et que lui, il était dans un angle où il a pu voir. Là, ok. Mais si le ciel n'est pas couvert, une personne nous dit qu'elle a vu la lune, non, on ne prend pas. Deux personnes, non, on ne prend pas. Ça, c'est le méthode de Abu Hanifa. Al-Shafi'i et Ahmed, pour eux, une personne. Une personne nous dit qu'elle a vu le croissant lunaire, ça suffit pour commencer le jeûne. Le madhhab de l'imam Malik, rahimahullah, et c'est l'avis le plus juste, c'est que deux personnes. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit « Fa'in shahide shahidan » S'il y a deux témoins qui attestent avoir vu le croissant lunaire, alors là vous jeûnez. Et donc deux témoins. D'accord ? Il faut qu'il y ait deux témoins. Donc la prochaine fois, Bassem, il ne part pas tout seul pour éviter les problèmes. Il faut qu'il y ait deux témoins. Et cet avis, comme on dit, ça fait partie des moufradats de l'imam Malik. C'est-à-dire des avis où l'imam Malik, il est le seul à avoir eu cet avis. Et il a raison. Rahimahullahu ta'ala. Il y a aussi un troisième point, je n'y avais pas pensé, je viens d'y penser, barakallahu fikoum. Le fait que, quand on regarde le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous apparaît clairement que le début du jeûne, subhanallah, le temps passe trop vite, Allahu musta'an. On n'a pas pris la moitié de ce que je voulais prendre aujourd'hui. Et donc, il nous apparaît clairement que le temps du jeûne démarre en fonction de la vision, pas en fonction des calculs. Pas en fonction des calculs. Il n'est pas permis de nous baser sur des calculs pour commencer le début du mois du jeûne Ramadan. Tu ne trouveras aucune preuve dans la législation qui te montre ça. Et donc il est impératif que ce sur quoi nous nous basons pour le début du mois de Ramadan, c'est la vision. Tu vas chercher tous les textes, Coran, Sunna, c'est la vision. Et donc il est impératif qu'on fasse attention à ça. Aujourd'hui, les gens qui nous disent « Oui, Ramadan commence tel jour !» Et si Allah, tabaraka wa ta'ala, il décrète qu'on ne voit pas ? On ne voit pas. On fait quoi ? Alors, on fait quoi de tous les hadiths, le prophète qui nous dit « Si vous ne voyez pas, alors faites comme si. Si vous voyez, alors comme ça. » On fait quoi de tous ces hadiths ? On ne les utilise plus. Pourquoi ? Parce que calcul. Et le calcul, il ne peut pas être erroné. L'être humain n'évolue pas sans cesse dans sa science, même dans la médecine. Ils évoluent, ils avancent, ensuite ils se disent on a fait une erreur, ensuite si, ça, ça. Dans tous les domaines, parce que nous sommes des êtres humains, nous nous trompons. Et donc il est important, barakallahu fikoum, de faire attention à cela. Ensuite, l'auteur nous dit, rahimahullah, « Kana thalathina yawman aw tis'atan wa ishrina yawman » فإن غم الهلال فيعد ثلاثين يوما من غرة الشهر الذي قبله ثم يصام وكذلك في الفطر. Alors il nous dit, si nous nous trouvons au 30e jour ou au 29e jour, donc le mois en arabe il a 29, donc le mois lunaire il a 29 ou 30 jours. Et donc il nous dit, si nous nous trouvons au 29e ou au 30e jour, ici c'est de quel mois? Sha'ban. Et donc si on se trouve au 29e ou au 30e jour de Sha'ban et que on ne voit pas le croissant lunaire, le ciel est couvert, il nous dit alors ce jour est le 30e jour, même si on est le 29. Ce qui est voulu ici, c'est que on commence Ramadan. On commence Ramadan le lendemain. À partir du moment où le ciel est couvert, on est le 29e jour, on commence Ramadan le lendemain. Pourquoi ? Parce que ça, c'est la vie de l'imam Malik, rahimahullah. Malik, ainsi que Shafi'i et Abu Hanif. Ils voient que lorsque on est au 29e jour, si le ciel est couvert, on ne voit pas le croissant lunaire, alors le lendemain, on jeûne. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَقْدِرُوا لَهُمْ » Ça c'est dans le Bukhari et Muslim. Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Si le ciel est couvert, alors déterminez-le. J'ai traduit ici par déterminez-le. C'est une traduction. Pourquoi j'ai traduit comme cela? Parce que la divergence ici, qu'il y a entre les ulama, elle dépend de la compréhension de ce mot, faqdurullah. Parce que ce mot-là, il peut avoir plusieurs sens. Parmi les sens du terme faqdurullah, il y a le sens doyyiku. Doyyiku alayhi. Restreindre. Et donc, si le ciel vous est couvert, alors vous devez restreindre le mois de Sha'ban. C'est-à-dire le garder comme il est. Vous n'allez pas rajouter un jour de plus. Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, il dit « فَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ » Il a utilisé le verbe « قُدِرَ » pour nous parler de celui dont sa subsistance est restreinte. Et donc ici, on comprend de ce hadith avec cette explication que lorsqu'on est au 29e jour, et qu'on ne voit pas le croissant lunaire, alors on restreint le mois, on ne rajoute pas deux jours de plus, et c'est le lendemain qu'on commence Ramadan. Ça c'est la vie de Malik, Shafi'i, Abu Hanif. Par contre l'imam Ahmed, lui, là c'est l'imam Ahmed qui est tout seul. Avant on avait vu que c'était l'imam Malik qui avait un avis tout seul. Là maintenant c'est l'imam Ahmed qui a un avis tout seul. L'imam Ahmed, lui, il voit que si le ciel est couvert, on est le 29e jour, alors on prolonge le mois, on continue le mois jusqu'à 30 jours. Jusqu'à 30 jours et on jeûnera après cela. Quelle est la preuve de l'imam Ahmed? C'est le même hadith. Le même hadith. Faqdurullah. Sauf qu'il y a une narration de ce même hadith. Je vous ai dit ce hadith, il est dans Sahih al-Bukhari et Muslim. Mais il y a une narration de ce même hadith dans Sahih al-Bukhari, tout seul, dans Sahih al-Bukhari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ. Si le ciel est couvert, alors complétez les nombres de jours à 30. Complétez les nombres de jours à 30. On a dit, les frères, c'est important dans la jurisprudence ou dans le hadith, dans le fiqh, il est important si tu veux avoir une bonne opinion ou si tu veux connaître la vie correcte, de rassembler toutes les preuves. Parce que c'est en rassemblant toutes les preuves que tu vas réellement comprendre quelle est la vie le plus juste. Parce qu'une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prononce une parole et une autre fois il va expliquer cette parole qu'il a prononcée. Voilà pourquoi les savants nous disent « El ahadithu tufassiru ba'duha ba'dan » Les hadiths s'expliquent les uns les autres. Et à partir de là, on comprend clairement que la vie la plus juste, c'est la vie de l'imam Ahmed dans ce sujet, rahimahullahu ta'ala, c'est le fait de prolonger. D'accord? C'est le fait de prolonger et de terminer le mois à 30 jours. Et ensuite, après cela, on commence le mois de Ramadan. Ensuite, l'auteur il aborde le sujet de la niyya, mais bon, c'est l'heure, l'iqama. Donc, ce chapitre concernant la niyya, l'intention, on verra ça la semaine prochaine, ou non, dimanche, Inch'Allah, parce qu'on va faire deux cours par semaine sur le jeûne, pour s'assurer qu'on puisse finir le chapitre. Et je ne pense pas qu'on va le finir, parce que là, on n'avance pas très vite, on a fait trois lignes aujourd'hui. Donc, bi'idhnillahi ta'ala, On continue donc dimanche cette série de cours. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا.